Sam avait fini par descendre de voiture. Il devinait que Pascal ne serait pas très long à revenir. D'abord parce qu'elle n'avait pas grand-chose à apprendre de l'équipe médicale, s'étant énormément documentée depuis des semaines sur le syndrome de Down. Ensuite parce que, au bout de quelques minutes d'entretien, Julia Coste se désintéresserait probablement d'elle. Cette rencontre ne pouvait pas se dérouler comme des retrouvailles entre sœurs, ni même comme une découverte au sens propre du terme. Pas de souvenirs à échanger, pas d'histoire à raconter ni d'émotions à partager. La seule question, cruciale, concernait l'avenir. Pascal allait-elle décider de venir régulièrement? Voudrait-elle gagner l'affection de Julia et lui en prodiguer? La connaissant, Sam en était convaincue. L'une des qualités de Pascal était sa ténacité. Parfois poussée jusqu'à l'obstination, elle s'entêterait sûrement à compenser le manque d'amour dont Julia avait été victime. Samuel se souvenait très bien de Camille. Une belle-mère charmante, pas bavarde et très douce, devenue peu à peu neurasthénique. En la voyant si maternelle, personne n'aurait pu supposer qu'elle avait été capable d'abandonner une de ses enfants, handicapée de surcroît. Henri s'acharnait à protéger sa femme, qu'il savait fragile d'un point de vue émotionnel, et il avait parfaitement gardé le secret de son passé. Un secret qui avait dû peser très lourd sur la pauvre Camille. Les Fontanelles comptaient encore beaucoup pour Sam, malgré son divorce, il ne s'était pas détaché d'eux. Peut-être parce qu'il avait besoin d'une famille, n'ayant plus aucun parent, ou bien parce que Henri et Adrien le reliaient à Pascal. Comme l'avait constaté Marianne avec aigreur, il n'avait toujours pas tourné la page. Après avoir fait deux fois le tour du parc, il revint s'asseoir sur le capot de sa voiture et observa discrètement certains des pensionnaires qui venaient de sortir pour une promenade. Encadrés par les éducateurs, ceux qui étaient valides essayaient de se passer un ballon, les autres suivaient dans des fauteuils roulants, une couverture sur les genoux. Un spectacle attendrissant et pathétique. Dans quel état Pascal allait-elle sortir de là? Il la vit enfin émerger du bâtiment, seule. Elle marchait la tête basse, les mains enfoncées dans les poches de son blouson. Ses cheveux étaient détachés et tombaient à présent sur ses épaules. Elle vint droit sur lui, sans regarder personne. « On peut y aller ?» lâcha-t-elle d'une voix atone. Sam tendit la main et elle s'abattit contre lui, éclatant en sanglots convulsifs. « Je suis là, ma Pascal. Calme-toi. » Tout en la tenant bien serrée, il l'entraîna vers une allée déserte, l'obligeant à marcher jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. « Tu as des Kleenex dans ton sac ?» Elle sortit une pochette, en prit un pour se moucher, puis un autre pour essuyer ses joues. « Donne-moi ça. Ton mascara a coulé. » Pendant qu'il tentait de réparer les dégâts, elle refit sa queue de cheval. « Elle... Julia voulait toucher mes cheveux, » expliqua-t-elle. La tête levée vers lui, elle semblait si effroyablement triste qu'il en fut bouleversé. « Comment est-elle ? » « Comme tu l'imagines. Vous avez pu parler ?»« Oui, quelques mots. Elle ne communique pas vraiment, mais elle comprend très bien. Je pense que je pourrais devenir une sorte d'amie pour elle, à condition que mes visites ne la perturbent pas. Les gens qui s'occupent d'elle ont l'air d'être gentils, compétents. Il n'y a rien de tragique ici. » Des cris leur parvenaient, semblables au chahut d'une cour d'école. Sam reprit Pascal dans ses bras, la serra de nouveau contre lui. « Tu feras ce que tu voudras, mais attends d'y voir clair. Pour l'instant, tu es sous le choc. » Il sentit qu'elle se détendait un peu, qu'elle reprenait son souffle. La tête dans son cou, elle murmura. « Bon sang, c'était difficile. J'ai failli caler, m'arrêter au bureau de la directrice et ne pas aller plus loin. J'aurais aimé que tu sois là pour me pousser dans le dos. Tu y es arrivée toute seule. » Elle étouffa un petit rire sans joie, toujours collée à lui. Pour rien au monde, il n'aurait desserré son étreinte. Et il se mit à lui caresser les cheveux d'un geste apaisant. Durant combien de nuits avait-il rêvé de pouvoir la tenir de cette façon? Il respirait son parfum, percevait même ses battements de cœur. Beaucoup plus troublé qu'il ne l'aurait voulu, il glissa une main sur sa nuque, toucha sa peau. « Sam ?» Elle renversa la tête en arrière pour pouvoir le regarder, sans chercher à se dégager. Durant quelques instants, elle le considéra, sourcils froncés, puis son visage s'éclaira, ses yeux s'étirèrent vers les tempes. « Sam, comment peux-tu ?» Cette fois, elle eut un vrai rire, très gai, qui le fit se sentir ridicule. « Excuse-moi, » dit-il en la lâchant. « C'est très malvenu, j'ai honte, mais tu m'as toujours fait cet effet-là. » Contre toute attente, elle se mit sur la pointe des pieds et lui déposa un baiser léger sur les lèvres. « Tu me ramènes ?» Le prenant par la main, elle l'entraîna vers le parking. «